Alors, l'appartement vous plaît? Oui, super les photos. Ça donne envie. Bon, maintenant, je vous pose quelques questions. Oui, d'accord. Première question, est-ce que vous fumez? Ah non, je déteste la cigarette. Bien. La propreté, c'est important pour vous? Oui, bien sûr. Je fais le ménage régulièrement, mais ce n'est pas une passion. Oui, je comprends. Mais c'est important en colocation. Vous... Oh, tu peux me tutoyer. D'accord, on se tutoie. Alors, tu aimes faire la fête? Je sors beaucoup, je reçois des amis, mais pas trop. Le week-end, je pars souvent. Je peux te demander quelle musique tu écoutes? Ah, surtout les musiques du monde. Et la chanson française en général. Bon, voilà pour cette première étape. Je te propose de venir à l'appart demain. Les autres colocataires seront là. Comme ça, tu nous verras ensemble. On te montre l'appartement et on prend l'apéro ensemble, ok? Oui, ça me va, super. Je t'appelle demain pour confirmer et fixer l'heure. Et on te donnera une réponse très vite.